Au cours de cette soirée, lorsque Jeanne retrouve Madame Nucingen, avant d'aller au théâtre, elle lui donne 100 francs à aller jouer à la roulette pour rembourser une dette qu'elle a envers son ancien amant, M. de Marsay. Quand Eugène ramène à Delphine les 7 200 francs qu'il a gagnés, elle en prélève 1 000 qu'elle donne à Eugène en le suppliant de ne plus jamais jouer et lui avoue sa triste situation financière. Son mari, ayant pris sa dot, lui alloue une modique pension qu'elle a acceptée pour avoir la paix.